Enfin, tu as trouvé l'amour que tu cherchais. Moi, je t'embrasse sur les yeux fermés. Si nous sommes ensemble, c'est jusqu'à la fin de nous. Tu ne pourras jamais me quitter. Tu as trouvé cet amour, mais je t'ai laissé tout seul. Tu as trouvé cet amour, mais je t'ai laissé tout seul. Bientôt, tadori tsuita ai, nigiri shime, chisana nemuri ni yasuragu hito, tojita mabuta ni sayonara kuchizukete, toki no harazono ni anata okizari ni shita. Ai wa yume no mama de wa tsuzuka. Shikabane, sore demo, nozomu no nara, oikakete kite, ano kuchizuke wa akai tattoo, sadame no yokoku, kizamu tattoo, watashi ni nara, hitome. Choupi-doup, choupi-doup, je prévois ton destin. Choupi-doup, mes lèvres te font mal. L'amour ne pourra pas survivre dans le monde du rêve. L'amour demande toujours encore et encore. Quand je te reverrai, je saurai. Si nous sommes ensemble, c'est jusqu'à la fin. Tu ne pourras jamais t'effacer de ma vie. Rien ne pourra nous empêcher de nous aimer. Non, rien. Rien. Rien. Rien. Yami ni toshikomerarete mo hikare au. Aura wa kesenai. Tajiro ga nai. Sukete miete ru wakare de oe nagara tsugi no meuri ai mo mata anata ga ito. Ai wa fukaku naru hodo kyokubari te toiki sae shibari dai ikujin sore demo hikari. ma vie soit